la micaouette me fait la tête. Cacahuète, la petite Noé veut plus me parler. Canoë, la micao, ma micao. Cacao, la petite Ramel m'est infidèle. Hannibal me mine le moral. Hannibal, mamselle, son long me traite de con. C'est la tête. Cacahuète, mamselle Jibi me traite d'abruti. Cajibi, la nuit où tu me jette des cailloux. Bonjour, nous sommes à la radio Guimauzo, une nouvelle émission des ados. Merci Camille, donc nous sommes bien sur le 107.fm et nous sommes en direct. Il est 10h. Une. Tout le monde va bien ? Oui. Oui. Bonne nuit, Christopher. Alors aujourd'hui, il y a Juliana qui est absente. Sinon, j'ai toujours le petit groupe qui est là d'habitude. Oui. Hein, c'est-à-dire Moi. C'est qui, moi ? Christopher. ZDD. Tu peux parler dans le micro, ZDD. ZDD. Et celui qui baille à côté de moi, c'est ? Bonjour, je m'appelle Steven. Bonjour, je m'appelle Camille. Et en technique ? Bonjour, je m'appelle Nicolas. Tu es avec qui, Nicolas ? Avec Marion et Christopher. Bonjour. Bien, merci. Alors, la dernière fois, il y avait une chanson mystère. C'était ? Elena. Oui. Et elle avait choisi ? Un homme, je ne sais plus. Oui, de ? Diantel. C'est ça ? Oui, c'était Diantel. Alors aujourd'hui, il y en a une nouvelle qui a été choisie par Camille. Ah oui. Oui. Alors on va la diffuser. C'est la première sur la liste, Marion. Voilà. Eh bien, on écoute. Et tous au vos téléphones au 03 29 62 40 40. Voilà. C'est parti. Ah, Louane, on était beau. Sur les trottoirs, je pense à toi. Sur les boulevards, je pense à toi. Dans la nuit noire, je pense à toi. Même s'il est tard. Sous les réverbères, je pense à toi. Dans la lumière, je pense à toi. Tous les hémisphères, je pense à toi. Sous la poussière, on était beau. Pourtant, on accélérait sans fin. On s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beau. À toi. Encore sommeil, je pense à toi. Trop de soleil, je pense à toi. C'est plus pareil. En funambule, je pense à toi. On me bouscule, je pense à toi. Si je recule, je pense à toi. Je suis ridicule, on était beau. Pourtant, on accélérait sans fin. On s'aimait trop pour s'aimer bien. À toi, presque obsédé, je pense à toi. Dépossédé, je pense à toi. Trop fatigué. Sur toutes les routes, je pense à toi. Si je m'écoute, je pense à toi. L'ombre d'un doute, je pense à toi. Je me dégoûte, on était beau. Pourtant, on accélérait sans fin. On s'aimait trop pour s'aimer bien. On pense à toi. Quand je découche, je pense à toi. Je perds mon souffle, je pense à toi. Au bord du gouffre. Encore un soir, je pense à toi. J'ai le cafard, je pense à toi. Dans le brouillard, je pense à toi. Je peux pas y croire, on était beau. Pourtant, on accélérait sans fin. On s'aimait trop. Et ben voilà, la chanson mystère. Il y a Zinedine qui nous racontait ses frasques à la maison. Oui, ah, oui, oui, ça a bien bougé à la maison. Hein. Bon, allez, on commence, hein, Zinedine. Oui. Voilà, alors quand on a préparé vendredi dernier, on a parlé de quoi? Débarquement. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait au moment-là? La guerre. Non, c'était pas la guerre ni le débarquement vendredi, hein. Non. Hein, la guerre, le débarquement. Ou alors, nous, on n'a rien vu ici, hein. Je suis pas isolé, j'en sais rien. C'était quoi? Les commémorations du débarquement. Voilà, alors redis-le dans le micro. Les. Nico. Nico. Mais. Commémoration. Donald Trump. Les commémorations avec. Donald Trump. Oui, alors qu'est-ce qu'il faisait en France, Donald Trump? Fête anniversaire de débarquement. Oui. À Macron. Monsieur Macron, s'il te plaît. Et puis ça se passait où alors? Les autres, vous pouvez l'aider, hein. Vas-y, Nicolas. En Normandie. En Normandie, oui. Alors, qu'est-ce qui se passait là-bas? Il fait anniversaire. Bon, il y avait les ballons rouges. Il buvait du coca. Il en a trop bu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lu des poèmes, des vieilles lettres, je crois. Ils ont lu des vieilles lettres? Oui. Mmh. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ils discutaient de politique. Ils discutaient de politique? Oui. Nicolas, est-ce que tu as regardé, toi, un peu? Non. Non. Ça vous intéresse pas, vous? Non. Steven. Je vais pas regarder des infos. Il n'y a pas eu des défilés aussi? Il n'y a pas eu la patrouille de France dans le ciel? C'est pour le foot, ça. C'est pour le foot, ok. C'est quoi la patrouille de France? Déjà. Des avions. Ah, c'est des avions, oui. Qui tirent dessus? Ah, il tirait sur. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté je sais pas quoi, des trucs pour faire le drapeau de la France, là. Voilà. La fumée blanc. Ah, et quelle couleur le drapeau rouge. Français? Bleu, blanc. Rouge. Blanc, rouge. Voilà, oui. Et puis. C'est passé, après ils ont fait ouais, fête. Alors, est-ce qu'il y avait que des Français et des Américains? Non. Des Anglais? Oui, des Anglais et puis. Des Indiens. Des Indiens, oui. Alors, ça vous a fait rire et pourtant c'est vrai. Oui. Oh. C'est devenu les Indiens, j'avais dit ça pour. Les Indiens, ils ont bien aidé non, pendant la guerre. Pourquoi? À de leur bâton, ding. À de leur as, pan. C'est ça qu'ils ont bien aidé parce qu'ils avaient des haches. Des arcs. Non, parce qu'ils avaient des codes pour communiquer qui n'étaient pas connus des Allemands. Donc les Indiens utilisaient ça pour communiquer entre eux et envoyer des messages aux autres. D'ailleurs, tenu ça, non. Puis il y avait des Canadiens aussi. Canadiens. Oui. Arrête ce métier. Et puis bien sûr, il y avait, comme on dit, les derniers qui ont fait la guerre à 39-45. Et les gens-là, ils ont quel âge? Imaginez que durant la guerre-là, ils avaient, mettons, 20 ans. 31, 32, 33. 31, 32, on n'est pas arrivé, vas-y. Ils ont plus de 90 ans aujourd'hui. Ah oui. Donc c'est les derniers qui sont là pour témoigner de ce qu'ils ont vécu. Et c'est pas sûr que la prochaine commémoration qu'il y aura en Normandie, ben, qu'ils soient là. Ouais. S'ils refont ça dans, mettons, 5 ans. 4. Je sais pas. Hein. On leur souhaite en tout cas. Hein. Mmh. Ils sont encore là, mais... Zinedine, tu veux bien me donner le stylo? Merci. C'est ce que je viens de dire, là. Ah, mais dingue, quoi. Ça te parle pas, toi? Vous êtes neuf. Non. Moi, j'ai une âme ou j'ai un pain. Et puis alors, grâce au débarquement, qu'est-ce qui s'est passé? Libération de Paris. Oui, après, il y a eu la libération de Paris. Les nazis. Est-ce que ça a été facile, là, de... Non. Non. Pourquoi? Il a fallu qu'il y ait des gens qui meurent. Il a fallu qu'il y ait des gens qui meurent. Ils ont tiré partout, là, même des innocents qui sont morts, des civils. Des civils, hein. Des soldats, tout ça. Et ceux qui... Les soldats, ils n'étaient pas innocents, eux? Si. Ah bon? C'est pas parce qu'ils étaient soldats qu'il fallait les... Hein, les mitrailler, hein? Mais en même temps, c'est ça, la guerre. Donc, qui c'est qui est venu en bateau? C'était les Allemands ou les Américains? Les Américains. Ouais, les Américains. Ils sont venus en bateau. Ouais. Et puis, alors, les Allemands, ils avaient construit quoi sur la plage? Des barrages. Des barrages, des bunkers. Pour tirer. Oui. À leur mitraillette. Bon, bon, bon, bon. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup de morts. Il y a mort, oui. C'est... Oui, beaucoup de sacrifices humains. C'est les mots du jour. Pour libérer la France. Je suis dit, je l'ai dit. Non. Non. Steven, tu veux dire quelque chose? Non. Ah, je croyais. Bon, allez, on passe hein, sur les commémorations. Hein. Ah oui, parce que ça, ça vous parle pas trop. Hein, vous. Alors, la suite, c'était quoi? Fou. Fou. Oh, bah, alors ça, on revit là. Hein, ça y est. Alors, vous avez parlé déjà... Du score. La Coupe du Monde féminine. Alors, il y a eu un match quand? Attends, on commence par le début. Quand est-ce qu'il y a eu un match, Zinedine? Oui, c'est... Parle dans le micro. C'était quand, le match? C'est quoi? C'est plus... Bon, attends, il va te vendredi. Dire... Vendredi. Vendredi. Vendredi, oui. Parle dans le micro, Zinedine. Vendredi. Alors, qui c'est qui jouait? Réfléchis, réfléchis. Ce que j'en... T'as regardé le match? J'ai 20. Coco, j'ai 20. Coco. J'ai 20, ça. Vert. Oui. Vert. Oui. Maillot vert. Oui, Coco. Italien. La... C'est peut-être mais la Corée du Sud? Non, c'est ah. Ça, la Corée du Sud. Coco. Attends, attends. Réponds à Nicolas. Est-ce que c'était la Corée du Sud? Oui. Parle dans le micro. Oui. Oui, il est bien. Mais alors, la Corée du Sud, oh, contre qui ils jouaient? Bon, alors là, c'était qui les autres? Attends, c'était... Coco, ça. Coco, c'est qui? Coco, c'est... C'est... Alors, Cocorico, qui c'est qui a la signe là? C'est les... Foutu. Français. Oui. Répète dans le micro. Ti. Non, ti, ça veut rien. Non. Français. Français. Ti. Les Français, voilà. Et les coq-coq. Non, Zinedine. Ah, attendez, il dit déjà le résultat, Zinedine. Alors, c'est coq-coq. Alors, pas caca. S'il vous plaît. Quatre. Quatre, voilà. Alors, quatre buts. Ouais. Et les autres? Zéro. Oui. Alors, qui c'est qui a marqué 4 buts? Ah. Je t'en ai dit. Vous en accusez, mon Dieu. Est-ce que c'est la Corée du Sud, là, ou les Français qui ont mis les buts? Foutu. Les Français. Parle dans le micro. Foutu. Français, voilà, oui. Oui. Donc, l'équipe de France féminine, je précise, a gagné, puisqu'elle a marqué 4 buts à la Corée du Sud. C'est bien, c'est un beau démarrage. Hein. Oui, je... Non, c'est un match mercredi, ce soir. Qui c'est qui l'a regardé, le match-là? Moi, j'ai regardé. Ouais. J'étais devant la télé. Alors, est-ce qu'elles jouaient bien, les filles? Ouais. Oui. Ils n'ont même pas laissé un ballon passer. Elles n'ont pas laissé un ballon passer. Oh non. Oh non, tu fais... tirait tellement fort, ça tire dans tous les coups. Ouais, tous les coups. Je dirais, je joue aussi bien que les garçons, hein. Ouais. Oh bah, vous n'avez pas l'air convaincu. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Nicolas? C'est bien. Non, j'ai demandé, est-ce qu'elle jouait aussi bien que les garçons? Oui. Voilà, ah bah ça c'est bien. Je suis contente de vous l'entendre. Défait de passionner, non. Ah bah on touche pas avec les mains, hein. Non. Les ballons, hein. Élimination. Ah ouais, défait. Bah si, je suis bête, je convoque le foot. C'est... Si, excuse-moi. Ah oui, c'est mal de défait. Ouais. Et défait. T'es pas lui, ça. Mais dis donc, ça devait bouger devant c'est la télé, hein, dans les chaumières. C'est hein. Pas si, ça. T'es tine, gant. Et aussi dans les bistrots. Tu nous racontes le match, là? Non, c'est un but, ça. Un but? Non, un but. Hein? Ah oui, c'est moi de pousser. Ouais, bon, allez. Oh. On va passer au match suivant. Oh. Alors, c'était quand? Turquie-France. Oh. Turquie-France, ouais. Alors, c'était quand? Tiens, on va laisser parler samedi. Christopher, samedi soir. Bon, oh, ben ça, c'est bien, vous étiez à la maison... Vous pouviez vous coucher tard. On a le foot, conquis. On a le foot. Voilà. Parce que ça finissait à quelle heure? Le foot? Oui. Je pas demandé que ça se finisse. Bah, t'as vu tout le match ou pas? Oui, tout le match, Turquie-France, oui. Ouais. Nicolas, tu sais à quelle heure ça finissait? À 11h10. 11h10, ça, ça me dit. 11h05. Ah, oui. J'ai pas entendu tout le match, je zappais parce qu'ils avaient marqué deux. Turquie, deux buts. Bah donc ils avaient mis deux buts, ça y est, tu sapes, toi. C'est... Ouais, c'est bon, j'en ai mort. Hop. Donc, qui c'est qui a gagné? Turquie. Mais la France aurait très bien pu remettre trois buts derrière. Vite fait, bien fait. Ils étaient nuls, en fait. Ils étaient nuls? Ils n'arrivaient pas à faire des passes. Ils avaient des baisses de passes. Oh, oh. Des baisses de passes? Ouais. C'est quoi, ça, les baisses de passes? Ils se passaient pas assez la balle. Ils n'arrivaient pas à se passer la balle? Ils tiraient tout sur les côtés. Ouais, voilà. Ah bah, oui. Ça va, on a gagné un match. Ouais. Un match? Oui. Ouais, ils ont refait un match, c'est un autre match. Alors, c'était quoi l'autre match? C'était avec République. Ah, c'est plus nous. Ouais, c'est qui ça? C'est ouais. Qui ça? Ah, bah, c'est pas écrit là. Hein. C'est la non, France. C'est la Turquie, je crois. Turquie. C'est la Turquie? Crée, oui. Non, pas la Turquie. Tu parles de. Du match de hier soir? Ouais, mardi. C'est France-Andorre? Ouais, Andorre. Oui. Alors? 4. Comment ça s'est passé, là? Ouais, on a marqué un but, le premier, c'est grâce à Kylian Mbappé. Mbappé! Oui! Oui! Ah, Mbappé, il a marqué, hein. Oui! Il a couru. Oui! Il y a eu une faute, il y a eu deux heures percutées. Oh. Et après, il a couru, il a marqué un but. Ouais! Qui c'est qui s'est percuté? Un autre joueur et deux joueurs. Deux joueurs qui sont percutés. Ouais, ils sont tombés par terre et après il a couru. Ouais, il en a profité. Hein, ouais. L'arbitre, oui. Il a même pas dit la faute. Il a laissé couler. Il a laissé couler. Ouais, après il a marqué un but direct. Hop. Et qui c'est qui a mis les autres buts alors? J'ai plus le nom, il avait. Ouais. C'est même Titi, je crois. Titi. Ah. Titi, alors Marion? Non, Titi n'a pas marqué. Ah. C'est qui? Ah bah c'est qui? Oh, mais c'est qui a marqué? C'est moi le gagné fond. T'as regardé ou pas? Nicolas. Mais j'ai plus les noms moi, ils sont trop nuls. C'est qui le gagné fond? Qui c'est qui a mis les buts hier soir? Fond. C'est fond. Nicolas, c'est qui? Fond. Je sais pas là. T'as c'est pas regardé? Non. C'est fond ça. Je peux pas vous aider là. C'est fond. Ah oui, c'est grand de fond. Et les autres S'il y avait trop de noms. Il y avait trop de noms. Non, oui. Bon, on va demander à Marion, parce que Marion, elle sait. Qui c'est qui a mis les autres buts? Moi, j'ai pas regardé. Hein, c'est ouais. Quelqu'un. Alors, oui. Mbappé a marqué le premier. Après, il y a eu Wissam Ben Yedder, Florian Thauvin et Kurt Zouma. Oui, DJ. Oui. Bah, c'est sûr, c'est qui? Oh. Mbappé, vous, c'est tout ce que vous connaissez. C'est un qui est un nom bizarre, c'est Denis bon. Bois. De Vibois? Non. Là, je crois qu'il avait un drôle de nom, c'était celui de Denis Bois, là. Denis Bois. C'est un joueur numéro 20. 20. Numéro 20. Le numéro 20, c'est Thauvin. C'est lequel qui avait un drôle de nom, là. C'est peut-être ça, Thauvin, Denis Bois, t'as peut-être... Non? Ouais, enfin, Denis Bois. Il y a un Dubois. Ouais, Dubois, oui, c'est lui. C'est pas un nom bizarre. C'est Dubois, c'est comme le bois. C'est lui, Didier. Alors, Deschamps, c'est un drôle de nom, sinon. Didier Deschamps. Non, c'est pas un drôle de nom. Deschamps. Bah, Deschamps. Bon, pareil, Deschamps. Bah oui, hein. Oh. C'est pas un drôle de nom. Donc, France-Turquie, c'est qui a gagné? Nous. Nous. Caca. Caca. Non, ça c'était samedi. Mardi. Andorre-France. Gagné. Gagné. Et puis, il y avait hier soir. Hier soir. Qu'est-ce qui jouait hier soir? Les féminines. C'est les Français contre la Norvège. À 20h. Sur la 1. À 20h35, je crois. Sur la 1. Ah, tu comme ça. Alors, France-Norvège. Les femmes. Ah, c'est 1. Attends, ça y est, t'es déjà dans les pronostics. Quoi? Il est fou. C'est 1. Alors, à votre avis, la Norvège, c'est une bonne équipe? Oui. Oui, ils sont forts quand même. Oui. Ah, il m'a dit. Alors, quel pronostic vous feriez? Ah, bah, je sais pas. Je sais pas. Qui va gagner ce soir? Les Français. Les Français. Oui. Attends, il faut bien réfléchir, ils sont forts quand même. Oui, oui, il faut réfléchir. Ouais. Ah oui. Parce que c'est une bonne équipe, hein. C'est les deux, peut-être. Marion vient de le dire. Ouais, parce qu'ils avaient dit, les joueurs qu'ils vont prendre le match au sérieux. Ils vont prendre le match au sérieux. Oui. Ah. Oh oui. Très sérieux. Oh oui. Ça veut dire qu'ils vont jouer un peu mieux que l'autre jour, là, où... Ouais, c'est facile parce que c'était moins féroce. Qui était moins féroce? L'autre équipe qu'on avait battue, les filles, elles avaient battu. Ouais, des baffus. Ah. Ouais. Que là, c'est une équipe... L'avez-vous ça marche aussi, Corinne? Comment? L'avez-vous aussi Espagne, là? Contre la Norvège, là. Contre la Suède, là. L'Espagne, elle va gagner. C'est 2-0. Mieux que tu demandes à Marion, parce que moi, le foot, je ne suis pas. Eh oui. Attends. Je t'avoue que j'ai pas tout suivi. Gagner 2-0. Les Anglais aussi, ils ont gagné, les filles. C'était quand, ça, Nicolas? Lundi soir. Lundi soir? Moi, ouais, j'étais au lit, moi, lundi soir. Eh, pas de main sur les scènes que j'avais en dernier. Si, sur la 1. Non, la 1, c'était... Non, sur c'est fixe, alors. Oui. C'est sur la 11. Sur la 11. Oh, j'entends jamais, moi, la 11. C'était les filles? Non, c'était les garçons. Ah, puis alors, qui c'est qui a gagné? Espagne. Oh! Espagne. Oui, donc je voulais vous demander à votre avis ce soir que ça va donner. Bon, il y aura un but, je crois. Peut-être. Ça va être dur, un là. Petit but. Qui c'est qui va mettre un petit but? C'est bon. La Norvège. Qui peut mettre des buts, là. Et après, Alors là, vous mettez la Norvège gagnante. Oui, elle met un petit but et après, elle nous met un petit but. 1-1. Et après, quand il y aura peut-être un deuxième but pour nous, un troisième et un quatrième. Bah oui, mais le résultat, ça va être quoi? 4-1. Pour nous. 4-3. Pour nous. Ouais. Corinne. Qu'est-ce que t'en penses, Marion? 4-3. 4-1. Ça me paraît beaucoup. 1. 3. T'es ambitieux. 3-2, alors. Non, 3-2, toi. 0-2. La France, elle va mettre 0? Oui. 0-2. 0 but. La passe, Ivan. Peut-être, hein. Et toi, Zinedine, tu dis quoi? C'est bien, voilà. Ah, 6 et puis la Norvège, ils vont mettre combien? 0. Attends, combien ils vont mettre? 4-6. Pas trop, Zinedine. Alors la France, elle va mettre 6 buts. Et la Norvège, combien? 0. Il a dit 8. 8. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Et la Norvège, ils vont mettre dans le micro, Zinedine. C'est lui. 6. La France 2 et la Norvège 5. Moi, dis 4-1. Et toi, Camille? 2-0. Ok. Ben, moi, je vous conseille de regarder le match. Hein, moi, parce qu'avec 6-8, ça va plus vite. 6-8. Zinedine. Tu me raconteras quand même si ça s'est pas passé comme ça. Et puis alors, à ton avis, Zinedine, qui c'est qui va mettre le plus de buts? La Norvège. Je connais déjà la réponse. Oh. Non, mais dans les joueurs français, qui c'est qui va mettre le plus de buts? Fifi. Dans l'équipe de France masculine. Ouais, ils ont qualifié, t'as rappelé. C'est fini les matchs, t'en as plus de masse, c'est masculin. Bah, le match de ce soir. Les filles. Ah, c'est les filles. Alors, est-ce que tu connais un prénom non, je sais pas. De l'équipe féminine? Oh. Bruno Nancy, moi. C'est quoi? Je sais pas. Est-ce que quelqu'un connaît un prénom? Ah, c'est plus les noms, ils avaient dit tous les noms, mais c'est plus les noms. Je connais pas. Nicolas. Non. Marion. Si on le connaît pas trop. Non, j'en connais pas des noms. Marion. Espère en ordre. J'en connais quelques-uns, mais je les connais pas tous. Ouais, ouais. Christopher. Mais oui, peut-être Christopher. Quelques-uns aussi, le sommaire, Amandine Henry, c'est tout en fait. Ah, un espère de foot. Ah, bah tiens, une question au piège. Christopher, regardes-tu les équipes féminines jouer? Oui. Mais pas toi, Christopher. Bah, des deux, du Christopher 2. Est-ce que tu regardes la Coupe du Monde féminine? Christopher 2. Bah, donc, je regarde les résultats. Je ne regarde pas l'image, je n'ai pas le temps. Donc. Alors, Christopher, deuxième question. Regardes-tu les matchs de l'équipe masculine? J'avais regardé la Coupe du Monde. Oh ah. Quoi? Bah quoi, on n'est pas sous. Même Christopher. Henri. Voilà, bon ben voilà. On a eu la réponse. Hein. Bon allez, on fait une pause avant le prochain sujet. Le son des capuches. Avec la chanson de Zinedine. Non. Zinedine. J'écoute ça. Maestro fit Metrobus. Mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato ed ho trovato l'invasore. Tu m'as tant donné, j'attends ton retour. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. J'ai beau chanter, mais j'attends toujours. Continue sans toi, tu vas m'en vouloir. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oui, je l'ai fait pour toi, t'en prie, pardonne-moi. Et à contre-cœur, oh bella ciao. La la la la. T'envoie mes mots de là où je suis. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Quand tous les efforts, tous les écrits n'ont plus de sens, n'ont plus de prix. J'ai crié ma peine, mon poing sur les murs. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Crié que je t'aime, brisé mon armure. L'âme qui pleure, mais le cœur dur. La la la la la, la la la la la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La la la la, la la la la la, la la la la la la la la. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. La la la la la, la la la la la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La la la la la, la la la la la, la la la la la la la la la la la. Vas-y, tu peux continuer à chanter, Camille. Donc, c'était la chanson choisie par Zinedine, oui. C'est ça? Oui. Oui. Eh bien, Zinedine. Alors, le sujet suivant. Roland Marçon. On commence par celui-là? Oh. Ok. Donc, demain, demain c'est Roland Marçon. Vélo. Et puis, bon Dieu. Nicolas, tiens, parce qu'on l'a pas beaucoup entendu. Roulon Marchon. Voilà, est-ce que tu peux dire un peu ce que c'est que Roulon Marchon? Oh, une partie vélo, une partie trottinette, une partie à pied et une autre à pied. partie à pied, puis une autre à pied. Oui, c'est ça. Non, vélo. Bah, il l'a dit en premier. J'ai dit vélo. Voilà, donc il y a différents parcours aussi. Oui. Hein? Alors, toi, tu vas faire quoi, par exemple? Vélo. Oui, et tu vas faire combien de kilomètres? 15 kilomètres. Qui c'est qui te tape du pied, là? Dédé. Excuse-moi, Nicolas. On peut vas-y, reprends. Donc, tu vas faire 15 kilomètres aller, 15 kilomètres aller et retour. Ouais, donc ça fait combien de kilomètres? 30 kilomètres. 30 kilomètres. Bien, Nicolas. On te souhaite beaucoup de courage. Mais tu es un grand sportif. Oui. Bonne chance, Nico. Et Christopher, toi, tu vas faire quoi? 8 kilomètres. 8 kilomètres. Mmh. Aller-retour. Quoi? En vélo. En vélo. À trois roues. Donc ça fait combien? 8 plus 8. Ouais, c'est pas moi. 16. 16 kilomètres pour Christopher. Et Zinedine, tu vas faire quoi? Un temps. Sur tes mains? Non, mais c'est un. Tu fais un kilomètre, toi? Non. Un. Donc, 3, 4, T'es pas avec Christopher? Si. Eh ben, qu'est-ce qu'il vient de dire, Christopher? 8 kilomètres. 10 kilomètres. Combien il va faire de kilomètres? C'est bien 6. Combien? Nuit. 8. Ouais. Aller-retour aussi? Ouh. Oui. Ouh. Attends, on va déjà faire l'aller, hein, parce que... Pourquoi? Ben, si, c'est déjà pas rien, 8. Quoi? Quand on est très sportif comme toi. Oui. Hein? T'es sportif, mais en même temps, t'es pas endurant. Monsieur. Tout comme Christopher, lui, il fonce, puis au bout d'un kilomètre... Mais oui, vous savez pas doser. T'es sûr? Donc, on va, pour vous, on va déjà faire l'aller. Pour le retour, on verra comment vous êtes. D'accord? Après, on ira pied au retour. Donc, Nicolas, tu seras avec qui? Avec Albin. Avec Albin. Avec toi. Oui, nous on sera ensemble, Zinedine aussi. Ouais. Et puis avec des autres jeunes aussi, des 8 kilomètres. Moi je veux bien hein, qu'on fasse l'aller-retour. Hein. Ouais. Mais à l'aller, il ne faut pas que vous alliez trop... On dépasse tout le monde. Hein, d'accord. On va dépasser tout le monde. Voilà, alors, s'il vous plaît, on écoute les autres. Steven, toi bon, tu fais quoi? Je vais aux érables. Tu vas aux érables. Parce que tu es en stage professionnel, oui. Donc tu ne vas pas à la journée où l'on marche. Ça t'embête? T'aurais aimé aller en vélo? Oui. Ah oui. Et Camille, tu fais quoi? Je vais à l'érable. Aux érables? Stage professionnel aussi? Et tu aurais eu le choix, t'aurais fait quoi? Le vélo. Ah oui, c'est sûr. Les loisirs, c'est toujours mieux. Hein? Oui, Camille, dis les voyons. Oh. Oui, elle aurait aimé faire du vélo. Ah oui. Ah oui. Ça pour une autre fois. Oh ah, non. Une occasion. Donc Nicolas, est-ce que tu sais de où tu pars? De l'IME. Voilà, de l'IME. Après tu rejoins Nol. Nol. Et puis tu montes à. Saussure. Tu sais pas où tu vas? Non, je sais pas moi. Ben, Nol, Saussure. Saussure. Saussure. Bah oui. Bah oui. Par Nicolas. Et vous? Mmh. Et vous, vous allez où? Ouais, vous allez en vélo, quoi. Hein, c'est... À se promener. Ouais, bah oui. Et puis alors, à Saussure, qu'est-ce qui se passe? Pique-nique. Bipi. Et un pique-nique. Et qui c'est qui vient à cette rencontre-là? Des sportifs Des sportifs, ouais. Comme nous. Hein, c'est que des sportifs. Des pros du vélo? C'est une rencontre inter-établissement, comme tous les ans. Mais non, non, marcher, moi. Toi, tu veux pas marcher? Non. Mais si tu n'arrives pas au vélo, monsieur? Monsieur? Bah, on verra, hein. On verra. Parce qu'il ne faut pas non plus... être un danger public sur son vélo. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de monde sur la voie verte. Hein, oui, il n'y a que ce vélo. Non, mais c'est pas le vélo que je te parle, moi. Pas que tu embêtes ou que tu rentres dans les gens qui sont sur la voie verte. Hein. Il faut bien tenir ta place, rester en file indienne. Oui, moi. Eh ben, on verra ça demain. Mais bourdonnant coco des fées, voilà. Mais ça va aller. Et puis qu'est-ce qu'on porte sur la tête? Un casque. Un casque. Ça oui. Il n'y aura pas de départ sans casque. Oh oui, de plus aucun. Est-ce que tu mets un casque chez toi quand tu fais du vélo? Oui. C'est vrai? Oui. Il est quelle couleur ton casque? Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Zinedine, ouais. Est-ce que tu mets un casque quand tu es chez toi? Oui. Oui. Il est quelle couleur ton casque? Blanc. Il n'a pas de couleur. Il est quelle couleur? Gris. Gris? Oui. Ok. Mais tu vas dans la rue ou tu vas sur la voie verte? Il a cassé mon vélo. T'as cassé ton vélo? C'est à moi. Ah, c'est pas toi. Alors, oui. Vas-y. Enlève les mains de devant ta bouche. Mais moi, j'ai vu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu casses ton vélo? Mais j'ai vu des amateurs. Le poisson. C'est ton frère qui l'a cassé? Non. Non, alors c'est qui? C'est le vélo, voilà. C'est le vélo qui s'est cassé tout seul. Non, ça c'est pas possible, Zinedine. Ah oui, Nina, quoi, c'est. Ton vélo, il était où? Il était chez toi. Ouais, il est tout de fond. Pou, il a cassé. Oui, mais pou, il a cassé. qui l'a cassé? Oui, c'est tout. Donc là, tu fais plus de vélo? Oui, il a cassé le vélo. Non. Et quand tu faisais du vélo, tu allais où? Est-ce que tu allais en ville? Beaucoup vu. Est-ce que moi je parle comme ça? Oui, c'est loin. C'est loin, j'ai vu. Tu allais en ville? Oui, c'est loin ça. C'est loin? Oui. Ah, alors tu en faisais près de chez toi? Oui. Quoi, j'ai fait moi? Quoi? Oui, c'est normal. Mais Christopher, est-ce que tu en fais chez toi du vélo? Non. Ah, pas du tout. Je ne sais pas faire du vélo en plus. Oui, mais là, tu vas en faire demain. À trois roues? Oui, mais tu vas en faire quand même. Oui. Et moi? Quoi, toi? Tu fais moi. Toi, tu fais du vélo. Ah oui. Mmh. Et Nicolas, est-ce que tu en fais chez toi, là? Non. Tu vas pas dans la rue avec ton vélo? Non. Bah, tu en fais où, alors? Nulle part. T'as un vélo chez toi? Oui. Ah oui. Tu le regardes alors, c'est tout? Non. Hein? Bah tu dis que tu fais pas de vélo. Tu vas pas faire de vélo avec tes parents, tes sœurs? Non. Non. Bon. Ok, super. Ça promet. Hein? Bon, alors avant de faire le dernier sujet, eh ben, on va passer la chanson à Christopher. Alors Christopher, tu voulais faire une dédicace. Ah. Pour qui? Pour Juliana. Pour Juliana. Mais c'est qui la fille là? C'est qui, Juliana? C'est son amoureuse. Oh, t'es toi. C'est une fille que c'est tu apprécies. Amoureuse. Oui. Voilà, bah ça, tu peux le dire. Oui, c'est une fille appréciée. Voilà. Alors, c'est quoi le titre de ta chanson? Le son des capuches. Le son des capuches. C'est vrai que ça ressemble à Juliana, ça, le son des capuches. C'est pas une capuche. Bah, j'ai pas dit que c'était une capuche, Juliana, hein, c'est pas ça, hein. Est-ce que tu penses qu'elle va apprécier cette chanson? Je sais pas, mais je sais pas. Bon, bah, écoute, on dit que c'est pour Juliana. Et puis on va écouter hein, cette fameuse chanson. Capuché, cagoulé, moustaché, lunettes de soleil, brushingé, broliqué, berber. RS4 plaqué avec le Giro. On est tous reblasés, le copilote c'est De Niro. Tu chies pas, ton cligote comme un gigot. Tu gigotes, coup de tatane dans les organes génitaux. On a tous des capuches sur Giro. On roule à tout berzingue. Rafale de trajet dans ta carlingue. Soit on fait la bringue au frais de la Briggs. Pour ton soir le Geeks. Tout le convoyeur il craque son string, ouais. Même la cagoule la sort du pressing. Reste pas devant la banque avec les warlings. Pour lingue, va te faire. Instoppable comme un char de guerre. Intordable en affaire comme une barre de fer. Cache ton visage, ce sont des capuches. Mets des gants sur tes paluches, ce sont des capuches. Pousse le son, hoche la tête, ce sont des capuches. Casse ta puce, v'là l'arnouche, va y avoir du grabuche. Faut pas que les voisins t'accusent, ce sont des capuches. Mets des gants sur tes paluches, ce sont des capuches. Pousse le son, hoche la tête, ce sont des capuches. Le son des capuches, le son des capuches. En foyer, foyer, stédédédé. Quand faut y aller, faut y aller, stédédédé. Au fourrier, fourrier, quand faut y aller, faut y aller. Plein phare, feu anti-brouillard. Flingue dans la couloir, tu fais du stop avec un mouchoir. Manque de peau, il fait tout noir, t'as la gueule du mouchard. On va te soutirer le code de ta carte avec le jeu du foulard. Ouais, alors tout le monde fout sa capuche. On se donne une heure pour ramasser un maximum de billets. Aveugloc, bref, feu, braqué. Cocktail, molotov, incendie criminel. Braco amateur, ça perd notre culture sicilienne. On fait la déco avec des bastons 6XL. Vous allez retrouver la banquière pendue avec son string ficelle. Cache ton visage, ce sont des capuches. Mets des gants sur tes paluches, ce sont des capuches. Pousse le son, hoche la tête, ce sont des capuches. Casse ta puce, v'là l'arnouche, va y avoir du grabuche. Faut pas que les voisins t'accusent, ce sont des capuches. Mets des gants sur tes paluches, ce sont des capuches. Pousse le son, hoche la tête, ce sont des capuches. Le son des capuches, le son des capuches. En foyer, foyer, quand faut y aller, faut y aller. En fourrier, foyer, quand faut y aller, faut y aller. Vito, tout noir, vite daté. On te retrouve à poil dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Les mains en l'air, où est la monnaie? On veut tout rafler. Tu fais le fou, puis pas qu'on t'a photographié. Si y a une panne de sensé, on siphonne le coco. Hall d'entrée en fumée, ça pilonne le popo. Ça débrouille pendant que Devilnet tricote le croco. Commission rogatoire que Fabien en clodo. 22, là les perles ont quelqu'un monte au cerveau. Et j'ai pris une plaque sur le pectoraux, ça joue les taureaux. Les riches créeront les ghettos, ma mère créa cette gecko. Tu as créé l'homme, Smith et Wesson, leur rendra égaux. Cache ton visage, ce sont des capuches. Mets des gants sur tes paluches, ce sont des capuches. Pousse le son, hoche la tête, ce sont des capuches. Casse ta puce, v'là l'arnouche, va y avoir du grabuche. Faut pas que les voisins t'accusent, ce sont des capuches. Mets des gants sur tes paluches, ce sont des capuches. Pousse le son, hoche la tête, ce sont des capuches. Le son des capuches, le son des capuches. Me teste pas, qu'est-ce que t'as? Fais voir la montre, la meuf et la caisse que t'as. Me teste pas, qu'est-ce que t'as? Parler au feu que je peux pas, s'te peux, s'te pas. Me teste pas, qu'est-ce que t'as? Fais voir la montre, la meuf et la caisse que t'as. Me teste pas, qu'est-ce que t'as? Parler au feu que je peux pas, s'te peux, s'te pas. Bon ben, on est baba. Baba. Ouh, quel tube, Christophe. S'en est capuche, s'en est capuche. On aurait dit un peu Joey Star, Madison. CNTM, la voix. Vas-y, CNTM. Oui, alors, est-ce que vous l'avez trouvé intéressant? Oui, moi, j'ai trouvé très intéressant. Ouais, alors, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant, cette chanson? Là, tu es presque. Quand elle dit, faut rire. Il faut... Faut aller. Il faut aller où? Faut aller, c'est pas moi. Faut y aller. Faut y aller. Ouais. Et toi, Camille, t'as aimé la chanson? C'est du rap, alors. J'adore. Ouais. Et toi, Zinedine? Bah, je crois qu'il est sceptique, Zinedine. Là. De son écapus. Ah, oh là là, alors Zinedine, qui fait, hein. Oh, il y en a un qui aime bien, c'est Steven. Et toi, Nico? Ouais. 200. Oh. Ouais, bon, et toi, Corinne? Non, c'est pas du tout mon style de musique. Hein. Oh, non. Tu sais quoi, toi, Corinne? Je mettrai pas ça chez moi. C'en est qu'un plus. Non, mais attention, Christopher, ça veut pas dire que je n'aime pas le rap, parce qu'il y a du bon rap. Comme ça, c'est tes goûts. Hein, voilà. Le goût du rap. Voilà, on va dire ça. D'accord. Tiens, on va demander à Marion et il est beau. Christopher, s'ils aiment ta chanson. Pas vraiment. Et Christopher? Personnellement, c'est pas ce que j'ai de très, mais bon. Voilà. Il y a mieux en rap. Voilà. Ouais, ouais. Voilà, on est d'accord là-dessus. Il y a du mieux. Ils avaient des gros mots, les autres. Alors. Il y avait quoi? Les autres musiques, ils avaient des gros mots. Alors. J'ai pris les ça. Les autres, elles avaient des gros mots? Oui, un peu gros mots. Oh, bah, dis donc, celle-là. elle est un peu limite, hein. Donc, c'est peut-être parce que c'est pas du très bon rap. Ouais. Est-ce qu'il faut mettre des gros mots dans non. une chanson pour que ça percute? Non. Non, pas forcément. Hein. Hein. Donc il faudra que tu affines un peu tes recherches quand tu vas à la médiathèque et chercher du bon rap. Oh, imagine. Est-ce que tu connais des bons rappeurs? À part, comment il s'appelle lui déjà là? Seth Gecko. Est-ce que tu connais les bons rappeurs? Ricky, Booba. Booba Booba. Vous connaissez Mario Christopher Booba? Oui, c'est bien ça. C'est pas, je veux pas de problème avec Booba, je veux pas finir dans l'octogone, donc je dirais rien, mais... Voilà. Et puis l'autre, c'était quoi? Ricky. Ricky. Ouais, Ricky et Booba. Ah, Ricky et Booba. C'était un scandale là dans l'avion, de l'aéroport de l'avion, il s'est bagarré. C'est pas Ricky. Non, c'est pas Ricky. C'est pas Caris. Non, c'est pas Caris. Si, c'est ça, c'est Caris. Caris. Caris Booba. Eh ben bon, c'est pas mieux non plus. Non. Ouais, bon, bah écoute, il va falloir que tu cherches autre chose. Ah, hein. C'est ça, c'est Ricky, t'inquiète pas. Non, bah pas ça, hein. Apparemment, c'est pas terrible non plus. Ouais, ça, j'écouterai quand même. Ah non. Tu apportes du bon rap avec du beau texte. Oui. Oh voilà. Je peux faire qu'est-ce que je veux quand même. Il y a pas de rap, Kiki. Il y a du bon rap. Pour la Zidane Zinedine. T'en as chez toi du rap? Non. Non. Je prendrai la Zinedine. Bon, enfin, tu verras bien. Mais tu peux même demander à la dame. Hein. Du Ricky. Oh, à la médiathèque. Tu dis, je voudrais du bon rap. Non, du Ricky. Du Ricky. Booba, du Booba. Du Booba. Ouais. Ah, dire, ah bah oui, c'est super ça. Quoi. On mettra à fond la voiture. Oh, elle va dire, vous pouvez les prendre, oui, parce que personne ne les prend. Allez-y. Tout le monde s'en fiche. Alors, dernier sujet, hein, parce que ce matin, Juliana, elle n'est pas là. Elle est où? Au CVS. Voilà. Donc, CVS, on en a déjà parlé, hein, ce que c'est, tout ça. Mais moi, j'aimerais bien que vous disiez à la radio ce que vous avez demandé. Mais j'ai pas de questions. Comme le préau. Alors, Christopher. Des poules. Toi, tu as demandé des poules. Poules. Des poules. Ah oui, attendez, parce que Christopher, il sait peut-être pas ce que c'est que le CVS. Vous pouvez dire ce que c'est? J'ai des questions. Marion, elle sait. Le CVS, c'est le conseil de vie sociale. C'est dans l'établissement. Et là, il y a des usagers, des parents, des administrateurs, la direction... Et c'est là où on fait des demandes pour changer des choses dans l'établissement ou modifier des choses. Et puis aussi par rapport à l'organisation. Les choses, et les jeunes ont l'opportunité de faire des demandes. Bah, c'est bon, oui, allez. Des alors, poules. Toi, tu as demandé des poules. Pour ce qu'il y a une voiture qu'on gaspille. Non, j'aimerais que Christopher finisse. Stop. Pour ce qu'il y a une voiture qu'on gaspille. Parle moins vite parce qu'on ne comprend rien. La nourriture qu'on gaspille. Ah, pour éviter le gaspillage alimentaire. Oui. Toi, tu voudrais mettre des poules. Ouais, les poules, ça mange tout, les poules. Ah, yé, mais... ok. Bah, c'est pas une mauvaise idée, hein. Après, le problème, c'est quoi? Il faut s'en occuper. Il est pendant les vacances. Oui, mais s'en occuper, c'est pas le problème. Pendant les vacances. Pendant les vacances. Voilà, c'est les vacances. Qui c'est les jeux. Des poules pendant les vacances. Pas nous, parce que nous. Nos ah, vacances. Bah oui, mais alors qui c'est... Le renard. Hein, le renard, il passera par là, puis pou, pou, les poules, il n'y en a plus. Ah non, non, pas le renard. Voilà, donc les poules, c'est bien, mais... Il y a un problème. Voilà, et après, c'était quoi? Des moi, questions. Je ne sais plus ce qu'ils avaient dit. Vas-y, Zinedine. Changer ses chaussures. Les? Eh oui, de changer ça. Tu voulais changer? Changer un... C'était pas le filet de foot? Oui, c'est ah oui, non, ça c'est moi ça. Il avait dit changer le filet. Changer le filet des foot. Oui. Non, changer les buts. Non. Parce qu'ils sont trop petits maintenant. Ah, il faut changer les buts. C'est vrai que vous êtes devenus des pros. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas plus d'espace qu'avant. Hein. Donc, élargir les buts. Les changer, il faut couper les arbres. Ah, Corinne. Comment? Faut couper les arbres. Ah ouais. Il va falloir aussi prendre une pelleteuse pour creuser, pour que tout le terrain soit plat. Hein, parce que là, c'est le but où il y a les arbres. Et sinon, vous aviez dit quoi? Plus avoir plus de choix. Après où? Ah, alors Christopher, il dit avoir plus de choix, mais cantine. Dans quoi? À la cantine, parle dans le micro. Hein. À la cantine. À la cantine. Donc, ça veut dire quoi, avoir plus, plus de avoir plus de choix, comme entrée, comme dessert, comme plat. Parce que là, c'est une entrée, un plat, ouais. un dessert. Et ouais. Toi, tu voudrais qu'il y ait plus de choix. Ça, oui, plus de choix. Comme le fromage, plus de choix. Comme le fromage, plus de choix. Bah écoute, je pense que la demande à ce heure-ci, de toute façon, elle a dû remonter, hein, c'est pas trop... Mais est-ce que ça va pas faire aussi plus de gaspillage? Oh non. Oui, oui. Bah c'est possible aussi. Imagine qu'ils fassent une crudité, et puis je sais pas quoi, moi, un friand. Et tout le monde se jette sur les friands, personne ne prend de crudité. Gaspillage. Ou alors il faut faire moitié crudité et moitié friand. Les deux. Suivant le nombre. Ouais. Et ma foi, ceux qui arrivent et puis qui n'y a plus de friand, ils prennent des crudités. Voilà, c'est ça. Et puis le plat, il faudrait aussi deux plats. Oh oui, il faut s'en dire. Comme avoir un petit soir comme au collège. Mmh. Ah, ça. Mmh. Comme au collège. Ouais. Et puis alors, sinon, quoi d'autre? Moi, je sais plus ce que je t'avais dit. Nicolas, tu te rappelles? Le préau, le bio, il avait dit qu'il se fera là. Ouais, alors, le préau, qu'est-ce qu'il a le préau? Il faut grandir. On n'a pas de préau. On n'a pas de préau, on est sur la flotte chaque fois. On est sous la flotte? Ouais, comme il pleut. On vous oblige pas de rester sous la flotte non plus, hein. C'est vous qui y allez. Hein. Ouais, hop. Donc construire un préau. Ouais, un plus gros. Pour se mettre à l'abri. Pour se mettre à l'abri. Oui. Et vous le verriez où, ce préau? Dans la cour. La cour. Au milieu de la cour? Ah oui. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a des véhicules qui passent là. Bah oui, tous les taxis, tout ça, quand ils viennent vous chercher, ils se garent là. Les véhicules de l'ESAT, ils passent par là. De près au milieu. Non, dans la où il y a les arbres à la récré. Où il y a les arbres, alors? Ouais, où il y a les tables, tout ça. Les arbres. Mais ça passera... Pourquoi ça passera jamais? On l'entend plus, Nicolas. On t'entend pas trop, Nicolas, là. Ah, d'accord. Parce que, mais c'est tout. Et parce que, mais il est trop grand, préau. Il est trop grand. Ah, vous voyez un grand préau, vous, alors? Oui. Ah oui, donc faut déjà abattre les arbres, enlever les buttes aussi. Ah non! Il faut savoir ce que vous voulez. Un petit préau, hein. Ah, bah alors. Pas un gros préau, un petit. Oui, mais si vous mettez tous en dessous. Oh, oui. Ça fait 40 personnes, hein, sous le préau. 40 enfants. On compte même pas les adultes, hein. Alors là, si tu fais un petit préau de 2-3 mètres... Ça sera un peu compliqué. Deux préaux. Faudra, là. Ah non, on va pas commencer à faire des préaux partout, là, parce que ça fera pas. Hein. La rapide récré, ça, des préaux, à la place. Et sinon, qu'est-ce que vous avez demandé d'autre? Du bio. Du bio. Alors toi, tu veux du bio. Tu veux du choix, du bio. Ah, du bio. Ouais. Mais après, c'est peut-être les tarifs qui vont augmenter, là. Du bio. Ça coûte pas cher, certains coûtent pas cher. Alors bio. Est-ce que toi, tu manges du bio chez toi? Non. Ouais. Tu veux manger du bio, mais chez toi. Qui c'est qui mange du bio à la maison? C'est quoi? Marion? L'agriculture biologique, sans traitement. Ça y est, c'est ailleurs du bio. Toi, c'est tu yaourt. Manges du bio? Ailleurs au bio. Yaourt bio, tu manges? Non. Personne d'entre vous mange du non bio? Non. Qu'est-ce que t'as fait? Disons que ça arrive, vu que j'ai un jardin chez moi, ça arrive. Ah, tu vas? Voilà, donc il cultive sans traitement. Et ça, c'est bien. Hein. Et Marion? Je fais attention à ce que j'achète en grande surface, mais après, on peut pas. Puis même des fois, le bio, c'est pas dit que ce soit totalement bio. Après, comme Christopher, c'est vrai, quand tu peux jardiner et tout, sans traitement, c'est quand même bien. Mais la magasin aussi, Corinne. Armière. Oui, il y a des magasins bio. Magasins bio. Oui. Hop, ah bah alors c'est que tu vas, Nicolas. Non, je veux pas, moi. Il sait qu'il y a un magasin, mais il y va pas. Il y en a même plusieurs, hein, tu sais. Il y en a un peu partout, ça fleurit. Un peu partout. Mais bon, c'est vrai que c'est bien. Des fois, c'est un peu cher. Hein. Mais bon, voilà. Disons qu'on sait à peu près ce qu'on mange. À peu près. À peu près. Hein. Donc après le bio, donc voilà le bio, oui, je sais pas, parce que quelle suite ils vont donner à ton idée? Ils dire non. Du bio. Ben, pourquoi ils diraient non? C'est bon. Tu sais que ça se fait aussi de plus en plus, hein, dans les cantines. Ouais. Les enfants mangent bio. Et puis ils privilégient le local. Local français. Le local, c'est-à-dire que Saint-Amé, par exemple, si un jour ils achetaient du bio. C'est fort possible qu'ils aillent se ravitailler dans les petites fermes autour, les petits producteurs. Français. Ouais, ils iront peut-être voir Christopher pour son jardin, acheter des légumes. Tu vois? Quoi? J'arrête de dire aussi les petits producteurs français, j'arrête de aussi dire comme question. Petits producteurs français. Ouais, j'arrête de dire ça aussi. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est des idées. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Zinedine? Quoi? Quoi? Comment? Nicolas, est-ce que tu avais autre chose à dire? Non. Camille? Non. Bah t'as rien dit de toute façon. Bah, oui, t'as rien dit. Et Steven? Non. Toi t'as rien demandé? Non. Non. Camille, toi t'avais demandé, tu te rappelles plus. Les feutres. Des feutres. Mais j'avais pas dit ah bon. Ça, mais je sais plus. Des feutres. Parce qu'on n'a pas de feutres. Non, non, non, on n'a pas beaucoup des feutres. Oui, bon, il n'a pas besoin d'en avoir non plus des wagons, hein. Hein, on en a assez pour travailler, hein. Ah, tu le bagarre et plein de la plaie crayon. C'est tout ce qui vous manque, sinon... Refaire le groupe. Refaire le groupe. Ah, qu'est-ce que tu voudrais refaire? Qu'est-ce que ça veut dire, Christopher? Ça coûte cher, hein. C'est cher. Pour faire le groupe. Oui, mais tu voudrais refaire quoi dans le groupe? Agrandir la salle. Ah, bah alors là, c'est pour pousser les murs. Ça coûte cher. C'est peut-être les groupes à côté qui vont pas être contents aussi, hein, si on leur prend de la place. Agrandir, c'est pas évident, hein. On refaire juste la salle. Oui, refaire. Alors, refaire comment? Le mur. Tapisserie. Parce qu'on a de la tapisserie, là. Oui, on en a. C'est pas de la tapisserie. On a la si on en a... en couleur, les murs. Ah oui, toi, ce serait bien d'avoir un truc comme ça. En blanc. Ouais, après, tu peux mettre de la couleur dessus. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Faire des petits bonhommes. Faire des petits bonhommes. Ah ouais. Ouais, bon, alors refaire le groupe, ok? On a entendu. C'est tout? Ouais. Les bacs de tri qu'il avait dit là. C'est le ferraille là. Du tri aussi. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça? Moi? Oui. Vous avez juste détrié les boîtes de conserve, moi et tout. Oui. Parce qu'on a toujours plein de boîtes de conserve dans les poubelles. Ah oui, mais ils font le tri dans les cuisines en bas. Non. Bon, attends, moi je vois dans les sacs jaunes et tout ça, c'est trié. Ouais. Moi je serais curieuse de voir sur le groupe, toi par contre, si tu tries. C'est moi? Non, pas chez toi, sur le groupe. Bon, on a rien, on fait rien ce groupe. Oui, on fait rien, bon, c'est vrai, on fait rien. Vacances sur le groupe, on fait rien. Non, mais entre le papier, les stylos qui sont usagés. La poubelle. Et ben, vous mélangez tout. Normalement, ça se trie. Hein. On n'a pas de boîte, de toute façon, on peut même pas recycler. Non, mais il y a plusieurs boîtes devant la porte, vous pouvez trier, hein. Mais vous vous donnez même pas la peine de le faire. Alors, faire la morale aux autres. Et toi, quoi, tu fais tri chez toi? Ah oui, je fais le tri, bien sûr. Moi aussi, on fait le tri chez moi. Ouais. Moi aussi, les bouchons. C'est vrai. C'est moi, vrai. Moi, je crie. Toi, tu tries, bravo, Zinedine. C'est moi aussi, c'est moi, on trie. Et toi, Camille? Oui. Moi, je trie les bouchons. Ah, les bouchons. Bouchons aussi. Là, le gros sac, c'est moi de bouchons. Non, bah, c'est bien, c'est bien. Bah, oula, ils vont peut-être rendre l'antenne là, hein? Non? Il est 58, c'est bon? Ah, c'est bon, ok. Attends-toi, Zinedine! Ça va, Zinedine? Attends-toi! Est-ce que tu serais en train de faire non! Eh, on aime bien vous repasser l'éternuement de Zinedine, il fait. Faire attention, Zinedine. Faut faire attention parce que là, toi le matin il fait pas trop chaud. Et souvent tu viens, t'es pas trop habillé. Et après tu dors. Hier t'es mis un t-shirt. T-shirt. Redresse-toi. T'es venu, t'es venu, t'es là. T-shirt. Un t-shirt. C'est vrai. Hier matin. Je me suis mis un t-shirt. Tu étais en t-shirt. Ça fait un peu léger. Pouvons non. Parce que le matin il fait frais. Oui, donc vous savez. Après, comment elle a marqué un mot dans ton cahier, ils ont. Mais t'as pu. Non, je peux marquer. Ne dis pas ce que je ne fais pas, Christopher. Je pense que Zinedine est assez grand pour voir le matin quand il se lève, le temps qu'il fait. Ouais. Et puis, si tu sais pas trop la température qu'il fait dehors, ouais. Tu ouvres la fenêtre, toi, tu mets ta main comme ça. Ouh, il fait froid. Allez, je vais me rhabiller. Non. Un pull. Non, 10 pulls. Est-ce que tu comprends, Zinedine? Ouais. Ouais. Et toi? Eh, moi, c'est en manche longue, moi. C'est pas le moral, c'est qui a toujours manche longue? Non, mais moi. Vous inquiétez pas, cet après-midi, il va refaire meilleur. Demain, il fera beau. Et toi, Kiki? Du bouseux. Non, ça, on arrête. Et le bouseux qui du bouseux qui s'il est dit. Stop. On arrête. C'est bon? Oui. Voilà. Donc là, on va rendre l'antenne. Et qu'est-ce qu'on va dire? Que la semaine prochaine, on reçoit qui? Maîtresse. Maîtresse. Bon, maîtresse, elle a un prénom. Justine. Nous recevons l'institutrice la semaine prochaine. Marion, et la semaine d'après, c'est... Stambrook. Madame Swartenbrook. Oui, oui, oui. C'est qu'on répète quand même. La directrice de l'établissement. Voilà. Donc, la semaine prochaine pour Justine. Donc, on va souhaiter une... Bon après-midi. Une bonne journée. Bon après-midi, une bonne semaine à tous. Bonne semaine. Et à la semaine prochaine. Justine. Au revoir. La micaouette me fait la tête. Cacahuète. La petite Noé veut plus.